Bonjour Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. La fin justifie-t-elle les moyens? Faut-il sacrifier l'amitié au nom du devoir? L'inceste est-il forcément criminel? Faut-il préférer une longue vie défigurée ou une belle mort venue trop tôt? Et plus largement, faut-il agir au nom de principes ou en fonction des conséquences de son agir? Les dilemmes moraux sont nombreux dans la série Game of Thrones et ils sont présentés sans tabou ni retenue. Que vous connaissiez ou non la série, l'émission de ce jour vous parlera. Comment trancher les éternels dilemmes moraux qui nous traversent et sur lesquels se construisent les sociétés depuis la nuit des temps. Élément de réponse avec Spinoza. Rien ne se fait dans la nature que l'on puisse attribuer à un vice de celle-ci, car la nature est toujours la même, et a partout une seule et même vertu et puissance d'agir, c'est-à-dire les lois et règles de la nature, selon lesquelles tout se fait et passe d'une forme dans une autre, sont partout et toujours les mêmes. Et par suite, il ne doit y avoir également qu'une seule et même façon de comprendre la nature des choses, quelle qu'elle soit, à savoir par les lois et règles universelles de la nature. Je traiterai donc de la nature des affects et de leurs forces, et de la puissance de l'esprit sur eux, suivant la même méthode que j'ai utilisée dans ce qui précède à propos de Dieu et de l'esprit. Et je considérerai les actions et appétits humains comme s'il était question de lignes, de plans ou de corps. Et nous voilà transportés au cœur de Game of Thrones. Bonjour Marianne Chaillant. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes professeure de philosophie en lycée à Marseille, chroniqueuse, écrivaine d'essais de pop philosophie. C'est votre qualification, n'est-ce pas? Vous étiez venue à ce micro nous parler d'un précédent ouvrage, Ils vécurent philosophes et firent beaucoup d'heureux. Vous avez écrit aussi sur Harry Potter, récemment sur Amélie Nothomb. Et vous participez au hors-série que Philosophie Magazine propose ce mois-ci sur Game of Thrones, dont nous sommes partenaires. Et un hors-série, vous pouvez trouver en kiosque actuellement. Spinoza se trouve au début du livre que vous avez consacré à Game of Thrones, une métaphysique des meurtres, aux éditions Le Passeur. Spinoza, qui dites-vous, peut nous indiquer un regard possible à adopter quand la philosophe que vous êtes, mais aussi d'autres personnes j'imagine, veut réfléchir à cette série Game of Thrones. Pourquoi ? Eh bien, en écoutant Spinoza, je suis sûre que vos auditeurs auront fait le lien tout de suite avec la musique qui passait derrière, la musique du générique, et auront compris que le projet de Spinoza, c'est au fond aussi celui des scénaristes de Game of Thrones. Ils ouvrent chacun de leurs épisodes, non pas par les mots de Spinoza, mais par un générique qui dit au fond la même chose. Parce que qu'est-ce que nous montre le générique? Il nous montre ces châteaux, ces forteresses qui sortent du sol, les unes après les autres, et on dirait que chacun des rouages est lié à celui des autres château. Enfin, tout se passe comme si l'édification d'un château était cause de l'édification d'un autre, etc. Bref, le générique, me semble-t-il, nous annonce le programme de la série Game of Thrones, à savoir, plutôt que de déplorer, médire, juger les affects, les comportements humains, tâchons d'en dévoiler les rouages, tâchons d'en dévoiler la logique souterraine, tout comme Spinoza dans l'éthique, entre autres, entreprend de non pas de voir les hommes tels qu'on voudrait qu'ils soient, mais tels qu'ils sont réellement, comme une chose dans la nature. Oui, ne pas pleurer, ne pas en rire, mais comprendre, dit-il. Comprendre, y compris ce qui paraît a priori incompréhensible, ce qui paraît totalement irrationnel. Dans cette série, nous voyons tout un certain nombre de comportements troublants, un père qui sacrifie sa fille, un couple incestueux, des décapitations, enfin tout un certain nombre de choses qui paraissent relever de l'irrationnel pur. Mmh. Et lorsque nous assistons à ces scènes-là, eh bien nous sommes invités à les comprendre plus qu'à les juger. Donc à faire œuvre de philosophie. Donc pour vous, c'est Game of Thrones qui, c'est la série elle-même qui nous invite à porter ce regard sur elle. C'est comprendre, c'est-à-dire que c'est pas pour nous choquer, nous divertir, c'est pour nous aider à comprendre la nature humaine. clairement, je crois que... Et alors, on fait ce reproche à Game of Thrones d'utiliser des ressorts ou d'utiliser énormément de violence pour choquer. Et je crois que c'est un contresens. Et que précisément, si nous assistons à tant de violence ou tant de scènes autour des questions sexuelles qui peuvent être dérangeantes, justement, ce n'est pas pour choquer, mais pour nous inviter, sans qu'on y prenne garde, à y réfléchir et à comprendre les logiques souterraines des actions humaines. Donc il y aurait une forme d'éducation intrinsèque à Game of Thrones. Je le crois. Et c'est propre à cette série ou à d'autres séries ? J'ose croire que beaucoup de scénaristes ont l'ambition de dire un peu quelque chose et je pense que Game of Thrones y parvient très bien. Peut-être de par son format énorme, de par les moyens dont elle bénéficie, cette série s'offre, je le crois, comme un laboratoire de philosophie à qui veut bien la regarder. C'est ainsi. Alors une excellente nouvelle car elle connaît des millions de téléspectateurs, mais toujours plus nombreux, et qui seront la semaine prochaine devant leur écran pour le début de la dernière, l'ultime saison de Game of Thrones qui sera diffusée sur OCS. Alors, dans votre livre, vous le dites bien, et c'est l'angle de cette émission, même de cette semaine en général, Game of Thrones nous aide à comprendre certaines choses en particulier, à savoir les dilemmes moraux. Avant d'aller plus loin, on va devoir définir ce que c'est qu'un dilemme moral. Et pour le faire, je vous propose qu'on écoute un extrait, un exemple de dilemme moral. Vous nous direz ce qu'il en est ensuite. Il s'agit du personnage de Jon Snow qui a décidé de s'engager sur le mur auprès des gardes de nuit. Et que c'est un engagement extrêmement contraignant. Il doit renoncer à une partie de sa vie, y compris sa famille, etc. Et là, il sait son père en danger. Quelqu'un lui dit que son père est en danger, donc il hésite. Doit-il aller sauver son père et donc trahir la garde de nuit ou bien être fidèle à la garde de nuit et laisser son père périr? Tell me, did you ever wonder why the men of the Night's Watch take no wives and father no children? No. Dis-moi, t'es-tu jamais demandé pourquoi les hommes appartenant à la garde de nuit ne prennent pas femme et n'engendrent pas d'enfants? Non. C'est pour ne pas aimer. L'amour est la mort du devoir. S'il advenait un jour que le Seigneur ton père soit contraint de faire un choix entre l'honneur d'un côté et ceux qu'il aime de l'autre côté, qu'est-ce qu'il ferait ? Il agirait selon sa conscience, quoi qu'il en coûte. Alors, Lord Stark est réellement une perle rare. La plupart d'entre nous n'ont pas cette force. Qu'est-ce que l'honneur, comparé à l'amour d'une femme ? Qu'est-ce que le devoir ? Par rapport à la sensation d'un nouveau-né qu'on serre dans ses bras? Ou au sourire d'un frère? Sam vous a dit. Nous sommes tous humains. Et nous faisons tous notre devoir quand cela ne coûte rien. Le chemin de l'honneur est alors facile. Pourtant, tôt ou tard, dans la vie de tout homme, il arrive un jour où l'honneur n'est pas facile. Un jour où il est obligé de choisir. Et c'est le jour où il se trouve face à un dilemme moral, Marianne Chaillon. C'est ça la définition. Au fond, c'est lui, un Master Aemon, qui nous donne la définition. Oui. Alors, on est à la toute fin de la saison 1, lorsque cet entretien a lieu. John s'adresse à un Meister qui est l'incarnation de la sagesse. John ignore à ce moment-là, et nous aussi d'ailleurs, qu'il parle à son arrière-arrière-grand-oncle. Et on l'apprend plus tard, puisque Master Aemon est un Targaryen, comme John. Et on est à la fin de la saison 1, qui, je crois, est une saison toute entière consacrée à la question de la morale. Je précise pourquoi nous prenons cet angle aussi. Enfin, la justification, la véritable raison, c'est que Game of Thrones, que ce soit une série politique, je pense que ça saute aux yeux de se poser les questions de qu'est-ce qu'il faut pour être le souverain, qu'est-ce qu'il faut pour rester au pouvoir, y accéder. Et plus paradoxalement, je crois que Game of Thrones est une série de philosophie morale. Et en particulier la saison 1, l'extrait en est la fin, John ici est pris dans un conflit entre un conflit de devoir, entre sauver son père qu'il aime et être fidèle à ses vœux auxquels il tient. Et Aemon et lui évoquent Ned Stark, l'homme du devoir. Qui est donc son père ? Le père de John, l'homme du devoir. Et Aemon lui dit, que ferait ton père ? Et John lui dit, bien sûr, il choisirait la voie du devoir. Mais quelle est la voie du devoir ? Voilà le problème d'un dilemme. C'est quand on est face à deux exigences qui semblent toutes les deux aussi, importantes l'une que l'autre. Alors, un dilemme moral, c'est deux difficultés. La première, c'est de déterminer quel est le bien, ce qui n'est pas évident. Et ce qui est génial dans Game of Thrones, c'est qu'il va y avoir plusieurs propositions quant à la définition de ce qu'est le bien. Le déterminer d'abord et ensuite le suivre, ce qui n'est pas rien. Et là, John, donc, doit essayer de savoir quelle est sa définition du bien. Je dis que John est un Targaryen tout de suite, hein, en spoilant ceux de vos auditeurs qui ne seraient pas allés jusqu'à la saison 7. Mais comme vous le disiez dans l'émission d'hier, le plaisir est aussi, non pas simplement de découvrir l'intrigue, mais la série elle-même, au-delà de ce qu'elle nous révèle ou pas. Hein. Et donc, cette série nous soumet à un certain nombre de dilemmes. Et sur ces dilemmes, il va y avoir plusieurs réponses soutenues par des personnages de famille qui, me semble-t-il, sont l'incarnation à l'écran des conflits que nous trouvons dans l'histoire de la philosophie. Alors, vous allez jusqu'à dire que les familles dans Game of Thrones incarnent à elles seules différentes options morales. Oui, alors ça m'amuse de lire la série comme ça et d'imaginer qu'on assiste à des guerres terribles dans Game of Thrones, mais qui au fond nous rappellent très bien les guerres auxquelles nous assistons dans l'histoire de la philosophie, qui est un champ de bataille, elle aussi. Et dans ces guerres, nous voyons effectivement des familles ou plus peut-être pour être plus précis, des personnages en tout cas, qui reprennent à leur compte des philosophies. Et donc, c'est pour nous spectateurs, peut-être sans le savoir, nous sommes pris dans une dissertation de philosophie géante en regardant Game of Thrones et nous soutenons une thèse ou une antithèse sur la question de ce qui définit le bien. Mais alors concrètement, sur l'extrait qu'on vient d'entendre? Alors, sur l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est un peu délicat. Le devoir ou le sourire d'un enfant, l'amour ou l'honneur? Ce dilemme-là est un peu difficile à énoncer, en tout cas dans les oppositions qui structurent la série. On peut en prendre d'autres. Hein. En tout cas, c'est vrai que peut-être tous vos auditeurs ont à l'esprit la carte dessinée par George Martin, très précise des continents d'Essos et de Westeros. Donc il y a deux grands continents dans cet univers de Game of Thrones. Eh bien, il me semble qu'en philosophie morale, c'est pareil. Il y a deux grands continents. Il y a la philosophie que Ruven Ogien, le Lord Commander de la philosophie minimaliste, appelle donc minimaliste. Je dirais que c'est Essos, parce que c'est un petit continent. Et puis, il y a un très grand continent qu'on appelle la philosophie maximaliste. Sur ce continent, le grand, Westeros donc, il y aurait deux sous-familles. Et je ne sais pas si vos auditeurs, je l'espère, vont savoir à quelle famille ils appartiennent. Sont-ils venus d'Essos, comme Lord Ruven Ogien, ou habitent-ils le sud de Westeros, comme la maison conséquentialisme, par exemple? Ou sont-ils des bannerets des Stark et de Lord Kant dans le nord de Westeros? Et selon les dilemmes, beaucoup plus clivant souvent que celui-là, parce que là, au fond, il y aurait des raisons de justifier et l'un choix et l'autre, c'est un peu difficile. Mais il y a des dilemmes qui, clairement, dans Game of Thrones, rappellent les lignes de fracture entre ces familles de la philosophie morale. Alors avant d'aller plus loin, il faut que vous nous aidiez à comprendre ce que c'est qu'une philosophie, une morale minimaliste, une morale maximaliste, une morale conséquentialiste. Un petit point de vocabulaire, professeur Marianne Chagall. Est-ce que vous considérez que nous avons des devoirs envers nous-mêmes? Ou bien considérez-vous que la morale ne régit que le comportement que j'ai à l'égard d'autrui? Par exemple, si je vous sautais dessus là à l'instant et que je vous coupais l'oreille, sans votre consentement, ça serait parfaitement immoral. Nul doute là-dessus. Si j'étais arrivée sur ce plateau moi-même avec une oreille coupée, vous seriez peut-être inquiétée de ma santé mentale, mais auriez-vous dit que je suis immorale? Ce que je me fais à moi-même a-t-il une valeur morale? Si vous considérez que ce qu'on se fait à soi-même n'a pas de valeur morale, direction Essos, direction le minimalisme, Ruven Ogien, Oberyn. Si vous considérez que non, nous avons des devoirs envers nous-mêmes et que donc ce que l'on se fait à soi-même, quand bien même nous sommes consentants puisque nous le faisons à nous-mêmes, eh bien cela revêt tout de même une valeur morale. Vous basculez à Westeros. Vous êtes donc un maximaliste. Vous considérez qu'il y a une symétrie entre ce que l'on se fait à soi-même et ce que l'on fait à autrui. Une fois que vous serez sur ce continent, il restera à déterminer si vous êtes un partisan de la morale kantienne ou un partisan de la morale conséquentialiste. Mais le minimalisme, par opposition au maximalisme, repose sur cette double différence. D'une part, considérer que ce que je me fais à moi-même n'a aucune importance morale. Traduisons dans la série, si je choisis de me suicider, je m'appelle Cersei Lannister, je suis une reine assiégée par l'armée de Stannis Baratheon. Tout donne à penser que Stannis va gagner et que s'il met la main sur moi, il va me faire subir 1000 tortures. Cersei envisage donc de mettre fin à ses jours. Est-ce que c'est immoral? Peut-on considérer que ce que l'on se fait à soi-même est immoral? Doit-on considérer que le suicide est un meurtre perpétré contre soi-même? Si vous pensez qu'il n'y a absolument aucune symétrie entre le suicide et un meurtre commis sur autrui, alors vous êtes minimaliste. Si vous dites « oui, mais tout de même, le suicide, c'est un crime contre soi-même », vous êtes maximaliste. Voilà la ligne de fracture, donc, et il y en a une deuxième. Quand on est minimaliste, on considère que ce que deux adultes consentants se font entre eux n'a aucune importance morale. Donc, par exemple, si Jaime et Cersei s'aiment... Ils sont frères et sœurs, certes, mais ils s'aiment, ils sont consentants, cela n'a aucune importance morale. Qu'ils couchent ensemble. Qu'ils couchent ensemble, c'est pas juste qu'ils s'aiment, c'est qu'ils consomment leur amour. Évidemment. Et ils ont des enfants. Certes. Jon et Daenerys, dans la dernière saison, dernier épisode, la tante et le neveu. Ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas, certes. Mais ça, justement, c'est une question de savoir si l'inceste est un crime, si l'inceste est moral ou pas. On y viendra dans un instant, si vous voulez bien. On le laisse de côté parce qu'on va suivre ensemble un parcours qui va nous conduire, sans doute vers le pire. Mais on commence avec quelque chose qui est assez terrible quand même. La question est simple. On la trouve à l'épisode 5 de la saison 1. Je la formulerai, puis vous entendrez ensuite les personnages se poser la question. Doit-on et surtout peut-on tuer une femme enceinte pour éviter la guerre? The whore is pregnant. You're speaking of murdering a child. I warned you this would happen back in the north. I warned you, but you didn't care to hear. Well, la garce est engrossée. Tu parles d'assassiner une enfant. Je t'avais prévenu que ça arriverait là-bas dans le nord. Je t'avais prévenu, mais tu n'as pas voulu m'entendre. Eh bien, entends-le maintenant. Je les veux morts, la mère et l'enfant, tous les deux. Et ce crétin de Viserys aussi, est-ce que c'est assez clair pour toi? Je les veux morts, tous les deux. Tu vas te déshonorer à tout jamais si tu fais cela. Je comprends tout à fait vos petites appréhensions, messire. Je vous assure que je les comprends. C'est une chose épouvantable que nous devons envisager, une chose ignoble. Pourtant, nous qui sommes supposés gouverner, nous devons parfois faire des choses tout à fait ignobles pour le bien du royaume. Si les dieux accordent à Daenerys un fils... Le royaume va saigner. Oh, je n'ai aucune malveillance envers cette fille, mais si les Dothraki nous envahissent, combien d'innocents vont mourir et combien de villes vont brûler? N'est-il pas plus sage, et même plus humain, de la faire mourir maintenant, afin que des dizaines de milliers de personnes puissent vivre? Il aurait fallu les tuer tous les deux il y a des années. Je t'ai suivi dans la guerre. Deux fois. Sans le moindre doute. Sans aucune hésitation. Mais cette fois, je ne te suivrai pas. Le Robert avec qui j'ai grandi ne tremblait pas devant l'ombre d'un enfant encore à naître. Elle doit mourir. Je refuse de prendre part à cela. Vous êtes la main du roi, Lord Stark. Vous ferez ce que j'ordonne ou je me trouverai une main qui le fera. Le dilemme est implacable, Marianne Chaillon. Personne ne voudrait tuer une femme enceinte. Et en même temps, si le prix à payer de ne pas tuer cette femme enceinte, c'est de laisser se décimer une population entière, que faire? C'est bien parce que la réponse ne s'impose pas qu'on est en plein dilemme, non? Tout à fait. Et donc là, on a deux réponses possibles. La première, celle de Ned Stark, qui est donc main du roi. En gros, c'est le premier ministre. Et son roi, Robert Baratheon, il faut expliquer qu'il doit son trône à une rébellion qui a chassé une famille qui régnait depuis des siècles, la famille Targaryen. Il apprend qu'une des rescapées, Targaryen, est enceinte peut-être d'un fils, qu'elle a en plus ce fils et le fils aussi d'un chef guerrier, et que donc on peut imaginer que dans quelques années, ce fils viendra réclamer le trône qui lui appartenait. Robert fait un calcul stratégique et se dit « Je tue une femme, certes, mais en tuant cette femme et son enfant à naître, j'épargne des dizaines de milliers de vies. » Il est soutenu dans cette logique purement arithmétique par Lord Varys, qu'on a entendu, et puis un autre type qui fait partie du conseil de restreint, qui s'appelle Pycelle. Et tous les deux, la phrase était dans l'extrait, hein, n'est-il pas plus sage? C'est de la sagesse de tuer cette femme, c'est même plus humain. Alors ça, c'est une logique qu'on pourrait appeler utilitariste, du coup. Et qu'on va voir incarnée dans la saga par d'autres personnages, une forme de morale, au fond, qui repose sur deux grands principes, un principe d'utilité et un principe d'impartialité. Peut-être on va commencer par la devise de cette famille, parce que il y a des devises en philosophie finalement, comme dans les familles Stark. Et donc on pourrait dire que la devise des utilitaristes serait pour le plus grand bien. C'est pas notre et la fureur comme les Baratheons, mais pour le plus grand bien. Et donc le choix de Robert serait pour le plus grand bien. C'est une question quantitative. C'est une question entre autres quantitative, parce qu'il y a plusieurs critères qu'il faut peser au moment de la délibération morale. Tout dilemme suppose une délibération de l'agent moral, et si on est un agent utilitariste, on va peser l'action qui engendrera le plus de conséquences favorables pour le plus grand nombre. Alors là, on est vraiment dans une logique comptable. Il y a d'autres critères. Il faut aussi que le plaisir engendré par l'action que je choisis soit intense, soit durable, soit fécond, soit prochain, soit certain et soit pur. Et donc, il touche un grand nombre de personnes. C'est dans le conséquentialisme. Ça, c'est l'importance du plaisir qui rentre pas forcément en ligne de compte quand on agit moralement. selon les familles. Et alors étonnamment, la morale utilitariste fonde la valeur morale d'une action sur sa capacité à engendrer du plaisir, ce qui est paradoxal. Hein. Plus l'action va engendrer du plaisir, plus elle est morale. Mais justement, pas n'importe quel plaisir. Un plaisir qu'on va peser au regard de ces 7 critères que j'ai nommés. Et si la balance, c'est une balance finalement, si la balance penche en faveur de tuer Daenerys, alors tuer Daenerys n'est pas simplement stratégique. Tuer Daenerys... Daenerys, c'est le nom de la femme qui est enceinte. C'est moral. C'est ça qui est terrible. C'est que c'est moral. Et c'est ce qu'il convient de faire. Ce même dilemme terrible, on va le retrouver dans plusieurs intrigues de la série. Par exemple, pour ceux de vos auditeurs qui n'auraient pas pu aller plus loin que le premier épisode de la saison 1, tout était déjà dit sur ce qui nous attendait. Notamment, le couple incestueux dont nous avons parlé, Jaime et Cersei, se font surprendre pendant des ébats sexuels qui ne laissent planer aucun doute sur la nature de leur relation par un petit enfant de 8 ans qui les voit et qui comprend donc la nature de leur relation. Se pose la question de savoir quoi faire de cet enfant. Le problème, c'est que cet enfant, c'est le fils de Ned Stark. S'il trahit le secret, Ned Stark, étant lui-même l'ami du roi Robert, mari de la femme adultère et incestueuse, bref, le secret va éclater, ça va devenir une crise d'état, ça va engendrer probablement la mort des jumeaux incestueux, la mort bref, tellement de victimes. N'est-il pas plus sage, n'est-il pas plus humain, pour reprendre les mots de Varys, de pousser le jeune Bran de 8 ans par la fenêtre. Ce qu'il fait. Ce que Jaime Lannister fait. Il le pousse et il se tourne vers sa sœur en lui disant « Ces choses que je fais par amour. » Eh bien, si Bantam avait été derrière sa télé, Bantam aurait dit « Tu as fait le bon choix, moral. Tu t'es juste trompé dans ta réplique. Ce n'est pas ces choses qu'on fait par amour, c'est ces choses qu'on fait par devoir moral. Tuer Bran, c'est moral. » C'est terrible, hein ? Mais ça se justifie. Il y aurait un autre spectateur de Game of Thrones à côté de Bantam, on peut imaginer une série. Bantam, c'est du côté conséquentialiste. Voilà, Bantam, c'est le Lord Commander de la maison utilitarisme. Donc, ceux qui, parmi vous, sont donc et maximalistes et considèrent que la valeur d'une action morale repose non pas sur l'intention qui anime quand on fait l'action, mais sur l'évaluation des conséquences. Et quelles conséquences ? Des conséquences favorables pour le plaisir du plus grand nombre. Mmh. Alors, revenons à notre soirée télé un peu étonnante, avec donc Game of Thrones qui serait joué, et derrière, Bantam et Kant. Autant Bantam applaudit le choix de Robert Baratheon de tuer Daenerys, autant il y aurait un philosophe qui serait particulièrement terrifié, c'est Lord Emmanuel Kant, le maître de la maison de la morale déontologique. Et Ned Stark, me semble-t-il, est dans cette série totalement l'incarnation de la morale kantienne, chose que va reprendre à son compte un des grands personnages de la série, qui est Jon Snow. Ned Stark n'est plus depuis la fin de la saison 1, ce qui est un signe aussi, c'est-à-dire que si on considère que Game of Thrones est un laboratoire de philosophie morale et qu'on cherche à déterminer comment il convient d'agir, il semblerait pour l'instant que la morale kantienne, les scénaristes semblent nous dire attention, si vous voulez survivre dans ce monde, il vaut mieux pas être un homme du devoir kantien, parce que Ned Stark se fait décapiter à la fin de la saison 1 et les Stark connaissent le destin tragique qu'on leur connaît. Bon, pour l'instant, la morale kantienne ne va pas très très fort dans Game of Thrones, mais la série n'est pas finie. Si Jon Snow, à la fin de ces 6 semaines d'un suspense insoutenable qui nous attendent, si Jon Snow venait à régner, est-ce que cela ne serait pas, entre autres choses, une victoire d'une certaine forme de morale? Jon Snow, c'est l'homme du devoir, on le verra peut-être, comme Ned Stark dans l'extrait qu'on a vu. C'est l'homme qui refuse un meurtre, quelle que soit la raison. Ned Stark dit à son ami d'enfance, Robert Baratheon, il lui dit « Je t'ai suivi partout, je t'ai suivi à la guerre, j'ai accepté certaines morts pour toi. » Mais c'est injustifiable. Moralement, c'est injustifiable. Et il met sa démission sur la table et il démissionne. Il ne peut pas cautionner le meurtre d'une femme dans ces conditions. Qui ne sera pas tuée. C'est une rare chose abominable qui n'arrive pas dans cette série. Oui. Mais alors, quand même, là, les choses deviennent compliquées et c'est passionnant. Parce que vous dites, voilà, si Jon Snow venait à régner, si lui, il est plutôt du côté de Kant, on se réjouirait d'avoir quelqu'un qui a le sens de devoir, peut-être. Mais est-ce qu'il ne faut pas complètement séparer ici non seulement la morale de la politique, parce qu'il n'est pas dit qu'il soit mieux d'être gouverné par un homme politique moral, et ensuite la morale individuelle de la morale collective. Ce qui est bien pour le bien de tous n'est pas forcément bien pour moi, et inversement. En effet. Et alors, je pensais à quelque chose, c'est qu'on a écouté un extrait de John et Master Aemon tout à l'heure, oui. John qui était pris dans un conflit de devoirs, et tous les deux citent comme l'homme moral par excellence, l'exception qui est Ned Stark, donc cet homme qui ferait toujours le choix du devoir. On a déjà, je crois, commencé à expliquer que faire de lui l'homme du devoir, ce n'est pas évident, qu'il y a plusieurs formes de morale, et donc il y a plusieurs formes d'homme du devoir. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment même où John parle avec Master Aemon, Ned Stark fait pour la première fois de sa vie un choix conséquentialiste. Et c'est ce choix qui va lui coûter la vie. Ça, c'est très drôle. Quand on regarde avec l'angle de l'analyse philosophique, c'est très drôle de voir que c'est de renoncer à ses principes moraux qui va être la cause de la mort de Ned Stark. Eh bien voilà, vous venez de l'annoncer. On va écouter cet extrait justement. Ned doit-il partir ou pas, quitter le lieu où il se trouve et qu'il dirige et qu'il gouverne pour aller sauver son ami qui, lui, est en péril? On est là à l'épisode 1 de la saison 1. On va d'abord écouter un court texte, quelques lignes de Kant, fondement de la métaphysique des mœurs, dans lequel il énonce ce que c'est que la morale qu'on appelle nous déontologique, où il s'agit d'agir selon le bien et pas selon les conséquences. Et puis ensuite, vous écouterez l'extrait, vous verrez comment l'un éclaire l'autre. Une action accomplie par devoir tient sa valeur morale, non pas du but qui doit être atteint par elle, mais de la maxime d'après laquelle elle est décidée. Ainsi, pour ce que j'ai à faire afin que mon vouloir soit moralement bon, je n'ai nullement besoin d'une subtilité qu'il faille aller chercher très loin. Sans expérience en ce qui concerne le cours du monde, incapable d'être préparé à tous les événements qui y surviennent, je me borne à me demander « Peux-tu vouloir que ta maxime devienne une loi universelle ?»« I need you, Ned. Down at King's Landing, not up here where you're no damn use to anybody. Lord Eddard Stark, I would name you the Hand of the King. » J'ai besoin de toi, Ned. Viens à Port-Réal. Tu sais qu'à Winterfell, personne n'a besoin de ta présence. Lord Eddard Stark, je souhaite vous nommer main du roi. Je ne suis pas digne de cet honneur. Je ne cherche pas à t'honorer. Je veux te confier la gestion de mon royaume pendant que je cours à une mort certaine à force de manger, de boire et de courir à la gueuse. Sacre bleu, Ned, relève-toi. Tu m'as aidé à conquérir le trône de fer, alors aide-moi à le conserver. Pardonnez-moi, messire, madame. Un cavalier est arrivé de nuit, de la part de votre sœur. Quelle nouvelle ? Elle a fui la capitale. Elle dit que John Arryn a été assassiné. Par les Lannister, elle dit que le roi est en danger. Elle est aveuglée par le chagrin. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. La tête de Lysa serait fichée sur une pique dès à présent si ce message était tombé en de mauvaises mains. Crois-tu qu'elle risquerait sa vie, ainsi que la vie de son propre fils, si elle n'était pas certaine que son mari a été assassiné? Si cette nouvelle est vraie, et si les Lannister conspirent contre le trône, qui d'autre que vous peut protéger le roi? Ils ont assassiné la main précédente. Et vous voulez que Ned accepte le poste? Le roi a chevauché un mois entier pour demander l'aide de Lord Stark. Il est le seul en qui il ait confiance. Vous avez fait un serment au roi, messire. Que reste-t-il de la morale kantienne quand on est face à ce dilemme, Marianne Chaillant? Kant nous l'a dit, hein, vous l'avez entendu à travers la voix du comédien Thibaut de Montalembert. Peux-tu vouloir que ta maxime devienne une loi universelle? En clair, ce qui fait que tu agis de telle façon, une maxime, j'agis selon mon bonheur, j'agis selon certains critères. Eh bien, si tout le monde agissait de cette façon-là, est-ce que le monde s'en porterait mieux? Est-ce que ça pourrait être une loi universelle? Si on l'applique au cas de Ned Stark, le choix qu'il va faire, alors soit de, là je maintiens encore un tout petit peu le suspense, hein, de rester dans sa famille politique ou au contraire d'aller combattre auprès des Lannister pour sauver son ami, le fait basculer soit d'un côté du devoir conscient, soit de l'autre vers d'autres formes d'intérêt, non? Eh bien, il me semble en tout cas que Ned Stark, donc, qui est coincé dans un dilemme qu'on pourrait dire, qu'on pourrait énoncer de la manière suivante. Il est pris entre deux devoirs. Le devoir de secourir son roi, qui est aussi son ami, mais qui est quand même son roi. Un roi qui manifestement fait face à une menace intérieure, Donc, en tant que bon sujet, il devrait porter secours à son roi. Et puis, il y a un deuxième devoir, c'est le devoir de protéger sa famille. Parce qu'en quittant Winterfell, qui est leur demeure, Ned Stark sait qu'il expose sa famille. Et de fait, il va choisir de protéger son roi. Il va donc quitter Winterfell et nous connaissons donc, nous spectateurs, ce qu'il adviendra de la famille Stark restée au château. Ça va, voilà, ça lui sera fatal. Il porte préjudice à sa famille. On ne voit pas avec Kant. Qu'est-ce que Ned aurait dû faire ? Précisément, je crois qu'on touche là du doigt un des problèmes de la morale kantienne. Peut-être on reviendra d'abord pour expliquer ce qu'elle est avant de dire qu'elle a des problèmes, mais je commence par dire c'est que cette phrase bien connue qu'on prête à Peggy, me semble-t-il, sur la morale kantienne, le kantien a les mains pures, il a les mains tellement pures qu'il n'a pas de mains. C'est-à-dire que là, Kant, je vois mal comment il pourrait... Aucune des deux actions n'est morale, ou elles les sont toutes les deux à la fois. Comment pourrait-il trancher entre abandonner sa famille ou abandonner son roi ? Il n'a pas de bon choix, en fait, c'est terrible. Et donc, il est coincé, alors qu'un utilitariste, lui, trouverait une solution. Mais le texte de Kant que vous avez mis en extrait explique très bien, effectivement, que chez Kant, contrairement à la famille conséquentialiste utilitariste dont nous parlions tout à l'heure, ce ne sont pas les conséquences qui comptent, mais c'est l'intention qui compte. On pourrait dire, oui, c'est ça, que pour savoir si c'est moral, il faut chercher le mobile de l'action. Et une fois qu'on a trouvé ce mobile, il s'agit de lui faire passer un triple test, dont vous avez rappelé une des formules, test dit de l'impératif catégorique. Il s'agit de savoir si le mobile de l'action que je me propose de faire peut devenir une loi universelle. Et devenant une loi universelle, si cela ne fait pas éclater une contradiction interne dans ma volonté, je vais essayer de le dire simplement tout à l'heure avec un exemple, il faut savoir si ça peut devenir une loi universelle de la nature, est-ce que ça dessine un monde qui serait viable ? Et enfin, il faut vérifier si en engageant l'action que je me propose de faire, je n'instrumentalise ni autrui, ni moi-même. Voilà le test, ce n'est pas simple. On voit que, comme pour les conséquentialistes, ici aussi chez les kantiens, avant d'agir, la délibération requiert quand même une certaine réflexion. Alors peut-être pour être plus clair et moins théorique, prenons un exemple. Dans ce même premier épisode, où donc Ned apprend qu'il est soumis à ce dilemme, arrive à Winterfell, chez lui, donc la cour du roi Robert, on l'a entendu, avec sa femme, Cersei Lannister, dont nous avons déjà parlé, son frère Jaime, dont nous avons parlé, mais voici aussi le lutin Tyrion Lannister. On attend la famille Lannister. Tyrion n'est pas là. Où est Tyrion ? Vous vous rappelez peut-être où est Tyrion ? Plutôt que d'accomplir son devoir professionnel de frère de la reine, eh bien, il a choisi d'aller visiter les prostituées du Nord. Donc, c'est grâce à lui que je vais vous expliquer la morale kantienne. Ouais. Alors, essayons donc de trouver le mobile de l'action de Tyrion. Que fait Tyrion lorsqu'il choisit d'aller visiter les prostituées du Nord plutôt que d'accomplir ses devoirs ? Enfin, visiter, vous le dites, oui, c'est joliment dit. C'est joliment dit, voilà. de goûter les plaisirs du Nord, en l'occurrence ceux d'une jeune prostituée appelée Ross. Je vais formuler ainsi la maxime de Tyrion. Il se dit « Plutôt que de satisfaire mes obligations professionnelles, je choisis le plaisir ». Voilà ce que Kant appellerait la maxime de l'action. Et on a dit que pour évaluer l'action, il fallait d'abord chercher le mobile, la maxime, la voici. Maintenant, faisons-lui passer le triple test. Commençons plutôt par le deuxième, vous verrez, c'est plus simple. Est-ce que, peut-être vos auditeurs ont joué à un jeu vidéo qui s'appelle Sims, où on configure des mondes ? Pour ceux qui n'auraient pas joué, c'est très simple, on crée des mondes virtuels. Moi je jouais à construire ta cité grecque, alors on peut construire un temple, une école de philosophie, mais aussi il faut penser aux paysans, etc. Bref, imaginons que nous construisions un monde et que tous les personnages de notre monde obéissent à la maxime de notre action. En l'occurrence, dans le monde que je configurerais, tous mes personnages, lorsqu'ils auraient le choix entre le plaisir ou leurs obligations professionnelles, choisiraient le plaisir. Est-ce que ce monde serait viable ? Probablement pas, vous le voyez bien. Donc, on peut dire que la maxime de Tyrion et l'action de Tyrion ne satisfait pas à l'une des trois versions de l'impératif catégorique. Mmh. Il ne satisfait pas non plus à la première version. Pourquoi ? Parce que si... tout le monde, si ma maxime était une loi universelle, si donc chacun l'appliquait. Tyrion allant au bordel de Winterfell, trouverait-il une prostituée pour satisfaire son plaisir ? Probablement pas. Il n'aurait plus. À moins de supposer que la prostituée fait ça par plaisir. Mais si elle fait ça par obligation professionnelle, ce qui semble tomber sous le sens, eh bien elle ne serait pas là. Donc Tyrion veut son action pour lui, mais ne veut pas pour autant qu'elle devienne une loi pour tous. Et là éclate une contradiction dans sa volonté entre ce qu'il souhaite pour lui et ce qu'il souhaite pour le monde. Deuxième raison pour laquelle l'action de Tyrion est immorale. Et enfin, Tyrion instrumentalise cette pauvre Rose pour son plaisir, et il s'instrumentalise lui-même pour son propre plaisir, décidément. tout dans l'action de Tyrion est parfaitement immoral aux yeux d'un Kancien. C'est un des personnages les plus sympathiques de la série, hein, je pour dis autant, en passant, hein. Oui, je dis en passant. Oui, et d'ailleurs, c'est pas Kant qui vient le chercher dans le bordel où il se trouve, mais son frère Jaime, qui n'a pas du tout une réaction kantienne en le trouvant là. Mais alors, on pourrait tout à fait objecter à Kant, en fait, à travers l'analyse de l'application qu'on en fait à ce personnage-là. On parle du plaisir du corps, mais qu'en est-il du plaisir du devoir, par exemple? Le plaisir n'est pas forcément exclu. Le plaisir pris à faire le devoir? Ouais. Ah, pourquoi pas? Bah oui. Avons-nous un exemple dans la série, je cherche. Dans la série, sans doute, il faudrait voir, mais même dans la vie, on peut tout à fait concevoir que le plaisir ne soit pas exclu du domaine du devoir. Oui, tout à fait, c'est vrai. Brienne, qui se lie, jure la fidélité à Catelyn Stark, donc ce personnage très intéressant, ce personnage féminin qui fait plus d'1m90 et qui ne vit que par soumission à d'autres personnes qu'elle-même. Elle jure fidélité à Catelyn Stark et elle ne vit bien que parce qu'elle est dépossédée de sa propre liberté. Elle jouit de cette soumission, elle jouit de exemple. Ce devoir qu'elle choisit. C'est vrai, et c'est pour ça qu'on n'a pas l'impression qu'elle est, elle est soumise à des dilemmes moraux. C'est vrai. Effectivement, elle est l'incarnation, entre autres personnages, parfait de la fidélité à la parole donnée. Elle reçoit des mains de Jaime une épée en acier valérien qui lui servira sans doute dans la saison 8 et qu'elle appelle Féal en titre de... Voilà, ça signifie sa qualité première à elle-même, Brienne, qui la possède. C'est une femme du devoir. C'est une femme fidèle. Donc, Kant nous montre que Tyrion n'agit pas forcément moralement. Selon Kant, finalement, on pourrait à chaque fois retourner les choses. Tout à fait. Et alors, justement, je disais tout à l'heure que l'héritier de cette morale dans la série, puisque Ned n'est plus là, c'est Jon Snow. Et il y a une scène superbe, je suis sûre que vos auditeurs qui sont comme moi fans de la série ont apprécié, le dernier épisode de la saison 7, quand pour la première fois, tous nos personnages sont réunis à l'écran, c'est cette rencontre entre Cersei, Daenerys, les deux rivales, et puis tout leur banneret. Tout le monde se réunit pour essayer de passer une alliance et se dire, bon, cessons la guerre qui nous déchire pour mener la seule vraie guerre qui compte, la guerre contre l'armée des morts qui vient. Cersei accorde son alliance à une condition. Elle dit qu'elle interrompra les combats à une condition seulement, que Jon Snow lui prête allégeance. Et là, un silence se fait. Et Jon Snow répond, il sait pourtant bien que cette alliance est nécessaire. S'il ne s'allie pas à Cersei, l'armée des morts vaincra. Et pourtant, il y a les morts vivants qui sont en train d'envahir par le nord. C'est voilà, comme ça dans les morts vivants arrivent. Si les humains, au lieu de se déchirer, ne s'allient pas contre les morts, ça va mal se passer. Il devrait donc, en toute logique, je ne sais pas, accepter la requête de Cersei. Et pourtant, en bon kantien qu'il est, il ne mentira pas. Et qu'est-ce qu'il ne cache pas à Cersei? Il lui dit, le problème, c'est que j'ai déjà fait allégeance à Daenerys Targaryen. Je ne peux pas servir de reine. Cersei s'en va, elle quitte la table des négociations et Tyrion Lannister va le voir et lui dit, et si vous envisagiez de temps en temps de mentir, ça pourrait être bien. Et là, Jon Snow a une espèce de couplet ultra-kantien en disant « Mais comment peut-on imaginer qu'il serait moral de mentir? Si nous commençons à mentir, les paroles n'ont plus de sens. À quoi bon sauver le monde si nous ne sauvons pas la morale ?» C'était un moment parfait de morale kantienne. Alors, la série continue de nous troubler quant à nos certitudes morales, hein, qu'on soit minimaliste, maximaliste, conséquentialiste. Hein, grâce à vous, on a compris cette distinction. On voit comment elle s'applique à chaque personnage de la série. Si on avance encore un peu, on est face à une situation assez étrange où, nous l'avons dit dès le début de la série, on assiste à des incestes, on assiste à des pratiques sexuelles variées, diverses, et tout est présent et ça n'a pas l'air de choquer beaucoup de personnes, sauf parfois. Et il y a une scène très intéressante dans l'épisode 6 de la saison 3, on a Tywin Lannister et Olenna Tyrell, donc alors vraiment d'un côté celui qui gouverne, y compris Charlie Lannister, et Olenna Tyrell qui gouverne dans la famille Tyrell, qui vont faire une espèce de compétition. L'un a un fils homosexuel et donc l'autre lui reproche son homosexualité et l'autre a bien deux enfants qui couchent ensemble. Et donc, quel est le pire? Et dans les deux cas, est-ce un crime? Impossible. Why? My grandson is the pride of Highgarden, the most desirable bachelor in all seven kingdoms. Impossible. Pourquoi? Mon petit-fils fait la fierté de Haut-Jardin. Il est le célibataire le plus convoité des sept couronnes. Quant à votre fille... Elle est riche. C'est la plus belle femme des sept couronnes et la mère du roi. Elle est vieille. Vieille? Vieille, oui. Figurez-vous que je suis experte en la matière. Son retour d'âge peut advenir d'un instant à l'autre. Je vous épargnerai les détails de ce qui se passera alors. Les hommes ont sans doute plus d'estomac pour le carnage et le massacre, mais là, il s'agit de bien autre chose, croyez-moi. Les années nous punissent également, je peux vous l'assurer. Mon estomac, néanmoins, se porte tout à fait bien, somme toute. La seule raison qu'il aurait éventuellement d'être dérangé serait les détails des activités nocturnes de votre petit-fils. Les niez-vous ? Oh, certes non. Un avaleur de sabre jusqu'à la moelle. Un garçon affligé de ce vice devrait être très heureux de se voir offrir la possibilité d'épouser la plus belle femme des royaumes. Autant ainsi la tache qui macule son nom. Avez-vous grandi avec des cousins, Lord Tywin ? Des fils de bannerets de votre père, des écuyers, des palefreniers ? Cela va sans dire. Et jamais vous n'avez... Non. Pas une seule fois ? Ni d'aucune façon ? Jamais. Je vous félicite de votre modération, mais il n'est que naturel que de Garnement explore certaines possibilités sous les couvertures. Il se peut qu'au jardin ait une grande tolérance pour les comportements contre nature. Je n'irai pas jusque-là. Certes, nous ne sombrons pas dans un grand désarroi à propos de discrètes parties de sodomie, mais... Un frère et une sœur. Au pays d'où je viens, voilà une tâche qui serait très difficile à ôter au lavage. Je me refuse à alimenter plus avant un mensonge fielleux en en parlant davantage. Ce qui est intéressant, c'est cette réaction quand même qui est supposée être choquante et le lien qu'on fait entre le choquant, l'immoral et ce qui doit être interdit par la loi. Et ça, ce sont trois concepts qu'il faut bien distinguer. Que ce soit choquant pour les personnes, il ne faut pas en conclure nécessairement que c'est immoral. Et du fait que quelque chose est immoral, il ne s'en suit pas non plus qu'il faut que ce soit interdit par la loi. Et les gens sont choqués. Et au bout du compte, ils se disent j'ai pas de justification, je sais pas pourquoi, mais c'est pas bien. Ils passent de ce qui les a choqués à ce qui est immoral, du point de vue de la philosophie morale. Ce qui était en jeu ici, c'était l'idée qu'il pouvait y avoir des fautes sans victime, des crimes sans victime. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans une relation incestueuse entre adultes consentants qui n'a aucune conséquence dommageable pour personne, si nous avons une répulsion à cet égard, c'est qu'au fond, on considère que certains crimes moraux sont des crimes, même s'il n'y a eu aucune victime. Je considère que, normalement, une éthique raisonnable, rationnelle, devrait éliminer complètement ces crimes sans victime. Donc je ne vois aucune immoralité, si vous voulez, personnellement. Parce que vous êtes choqué que c'est un crime, mais c'est parce que c'est un crime que c'est immoral. Ces distinctions sont faites par le philosophe Ruvenogien, c'était sur France Culture en 2011, l'application de l'éthique minimaliste à l'inceste. Eh bien, voici celui qui vous a inspiré une partie de votre ouvrage, je crois, Marianne Chaillant. Oui, beaucoup plus qu'une partie de l'ouvrage, parce que je suis émue d'entendre sa voix, qui est d'une douceur que je pense tous vos auditeurs auront perçue. Et... Je dirais que sa morale est à l'image de sa voix. Elle est très douce. Cette éthique minimale, c'est une forme de bienveillance qui est très dure d'ailleurs à atteindre à l'égard de la, des manières de vivre personnelles. Évidemment, dire qu'au fond, Jaime et Cersei, frère et sœur incestueux, ne font pas de crime, se détacher du sentiment qu'on peut éprouver d'abord est exigeant. L'éthique minimale, ce n'est pas une éthique peu exigeante, c'est même le contraire qui est vrai. Ça nous demande beaucoup, mais c'est pour être plus doux et bienveillant envers autrui qu'il convient justement de faire la part des choses entre le fait qu'on puisse être spontanément choqué et de ne pas dériver et de ne pas dénaturer. Enfin, ce sentiment en premier et d'imaginer que là on porte un jugement moral. Voilà. Il faut juste préciser tout de suite. Que dans cet inceste, les deux personnes sont consentantes. Oui, voilà, évidemment. Et alors, dans cette série, ce thème est particulièrement pas toujours, récurrent. D'ailleurs, je précise quand même, il y a bien au moins une scène où Cersei n'a pas du tout envie de coucher avec son frère et celui-ci la force. C'est vrai. Et il y a aussi d'autres personnages. Alors, il y a un type atroce qui vit au-delà du mur, qui s'appelle Craster. Ce type-là a des mœurs atroces. Hein. Il ne s'agit pas du tout de parler de ça. Lui viole ses filles. Et quand ses filles lui donnent un enfant garçon, il offre ce garçon au roi de la nuit. Donc il le tue, quoi. Et quand ses filles lui donnent des filles, il les laisse grandir jusqu'à ce qu'il puisse les violer à leur tour. Évidemment, il ne s'agit pas du tout de la même forme de relation que nous envisageons ici. Voilà, c'est avec pas Jenny le relativisme, et peut-être il faut distinguer ça. Bien sûr, ça. L'idée de Jaime et Cersei, ce sont deux adultes consentants. Ce que Ruvenogien disait aussi dans l'extrait, c'est que quand les gens cherchent les raisons pour justifier leur sentiment premier, du fait qu'ils sont choqués par ça, il le rapporte dans un de ses livres qui s'appelle, il a un titre magnifique, de l'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine. Il rapporte une expérience qui a été faite Il y a trois raisons dans lesquelles les gens condamnent l'inceste a priori. La première, c'est la possibilité d'un traumatisme pour les personnes qui feraient cet acte. La deuxième, c'est le danger pour les enfants à venir. Et la troisième raison, ça serait pour les l'offense faite à la société. Et c'est le cas de Jamie et Cersei, leurs enfants ne sont pas handicapés. Ils ne sont pas traumatisés, Jamie et Cersei. Et enfin, ils ont tué leur liaison, en sorte de protéger la société de l'offense que pourrait leur causer la publicité de cette relation. Si on enlève ces trois raisons, c'est ce que disait Ruvan Ogin dans l'extrait. Alors, certains continuent de garder un sentiment de rejet à l'égard de cela, mais on ne parvient plus à trouver de raison. Mais c'est le tabou fondateur de la société, voilà. En même temps, l'interdit de l'inceste. Évidemment, évidemment. Mais lui pose comme base de sa philosophie morale ce que deux adultes consentants se font entre eux n'a aucune importance morale. Ce qui peut justifier que Lady Olenna, par exemple, dise si Loras, son petit-fils, Loras Tyrell, aime Renly Baratheon, Un autre garçon, eh bien, ma foi, ils sont tous les deux consentants et très bien, voilà, très bien. Ce que deux personnes consentantes se font entre eux n'a aucune importance morale. C'est la même personne qui, en revanche, a un problème avec l'inceste des Lannister. Oui, mais en l'écoutant l'extrait, je pense qu'elle dit ça pour embêter Tywin. Sans doute. Je suis pas convaincue qu'elle mais le croit. Mais juste parce qu'il nous reste très peu de temps, je voudrais vraiment que vous précisiez la distinction entre l'éthique minimaliste que vous nous présentez ici, à la suite de Ruvan Ogin, et le relativisme. Ça veut pas dire que tout se vaut. Ah non. Et que précisément, pourquoi finalement est-ce qu'il y a certains comportements qui seraient pas moins répréhensibles selon certaines morales? Au fond, il y a le critère quand même du mal fait à autrui. Ah bah évidemment. S'il n'y a pas de mal fait à autrui, alors il n'y a pas de raison de condamner moralement quelque chose, c'est ça? C'est ça, oui, tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et Ruvan Ogin ne justifie pas, pour reprendre l'exemple un peu bizarre, mais que j'empruntais à Van Gogh, enfin j'espère que vous l'imaginez, de l'oreille coupée. Si je vous sautais dessus pour vous couper l'oreille, il n'y a aucune justification. C'est-à-dire, c'est pas, il n'y a pas de relativité de tous les actes. C'est simplement ce que deux adultes consentants font entre eux n'a pas d'importance morale. Ce qu'une personne se fait elle-même n'a pas d'importance morale non plus. Tels sont les deux piliers sur lesquels il bâtit sa philosophie morale. Il y en a un troisième peut-être qui est intéressant parce qu'on le voit dans la série aussi, c'est la neutralité éthique de l'État. Et que l'État n'a pas à légiférer en matière morale. Dans Game of Thrones, il y a le grand argentier, en gros le ministre des Finances en France, qui est Peter Baelish. Il est propriétaire à King's Landing, la capitale, du plus grand bordel qui existe. Tout le monde le sait. Et il est ministre des Finances. Et ce n'est pas du tout... l'État ne légifère pas sur ces questions-là. On peut faire exactement ce qu'on veut du point de vue moral. Il me venait quelque chose aussi en écoutant l'extrait sur l'homosexualité, la discussion entre Olenna et Tywin. Sur la question de l'homosexualité, pour le coup, et tant mieux, la série prend son parti, puisque les personnes qui s'opposent à ce genre de relation sont vraiment les monstres de la série, comme Joffrey, le petit-fils de Tywin, qui envisage de proclamer une loi qui punisse de mort les gens qui se rendraient coupables de ce crime. Et puis Joffrey ne le réalise pas, mais ce que Joffrey n'a pas réalisé, le grand moineau l'a réalisé. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce personnage atroce, de la foi militante. Bah, c'est celui qui incarne la morale, pour le coup, dans la saison, sous couvert de religion. Oh, quelle morale! Oui, c'est vrai, d'une certaine manière, et qui incarne tout ce que la morale peut faire de terrible à des individus. La marche de la honte de Cersei Lannister, qui clôture la saison 5, marche terrible, où Cersei doit traverser nue sous les cris de haine de la foule pour expier son crime. Loras Tyrell, lui aussi, aurait dû subir une expiation. Parce que lui est homosexuel, la foi militante, cet ordre extrêmement réactionnaire, ressuscité à tort par Cersei Lannister, lui me fait penser à toute la critique nietzschéenne de la morale. Enfin, quand j'ai regardé la marche de la honte de Cersei, je me suis dit vraiment, voilà ce que Nietzsche dénonce dans l'Antéchrist, ce que le prêtre qui enseigne la contre-nature et qui va blâmer celui qui jouit librement de son être. Qu'est-ce que la morale peut être terrible tout de même? Oui, c'est ça. On ne doute pas un instant, en regardant ce personnage terrible, que la morale n'est qu'un alibi chez lui pour avoir le pouvoir. Il est comme tous les autres, en réalité. Il y est arrivé. En plus. Un dernier mot, est-ce qu'on pourrait dire, pour répondre au titre qu'on a donné à cette émission et qui est très cohérent avec tout ce que vous venez de dire, est-ce que la morale, alors si quelle morale nous permet de survivre dans Game of Thrones? En un mot, je dirais que la réponse, on l'aura dans... Ah, ok. Alors, bon, dans la saison 1, il semblerait qu'on ait une sorte de désaveu de la morale kantienne. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vos auditeurs ont poussé comme moi le vice jusqu'à jouer à un jeu vidéo qui s'appelle sur Game of Thrones, qu'on trouve sur le téléphone, hein, pour ceux qui n'auraient pas de console, un jeu Telltale Game, c'est-à-dire qu'on peut... C'est un jeu de choix. Vous incarnez un personnage de Game of Thrones, vous êtes soumis à des dilemmes moraux, c'est passionnant, et selon vos réponses, le jeu évolue différemment. Et moi, j'ai réalisé, bon, que j'avais des réponses assez Stark, hélas. Ah, vous êtes kantienne, à votre plus grand désespoir. Mais oui, c'est ça, c'est terrible. Bon, et bref, tout ça pour dire que je mourrais systématiquement. Du coup, je pense qu'effectivement, la série ne promeut pas véritablement cette morale-là, et on voit les Stark renaître à travers Sansa, à travers Arya, mais s'il y a une renaissance de la famille Stark, en tout cas, elle se fait non plus au nom des valeurs qui étaient celles de la famille Stark, mais au nom d'autres valeurs. Je dirais que c'est là tout le suspense, c'est que je ne peux pas vous répondre, Adèle. Nous saurons ça dans 6 semaines. Sage réponse. Dans 6 semaines, vous pensez à la fin de la saison? Quand on saura qui est monté sur le trône. Bon, lundi, j'espère qu'on le saura. Lundi prochain, en tout cas, on commencera la saison 8 de Game of Thrones. Merci d'être venu en parler Merci ce matin. On peut lire votre ouvrage, hein, Game of Thrones, Métaphysique des mœurs, qui est disponible, qui est encore tout disponible, j'imagine. En poche. On peut aussi lire Philosophie Magazine, qui consacre un hors-série à cette série, Game of Thrones. On se quitte avec une chanson de circonstance, The Incest Song de Buffy Sainte-Marie. Word is up to the king's dear daughter. And word is spreading all over the land that she's been betrayed by her own dear brother, that he has chosen another fair hand. Many a man had a song of her beauty, and many a grand deed for her had been done. But within her sides, thee carried the child of her father's youngest, fairest son. Tell to me no lies, tell to me no stories, but saddle my good horse, and I'll go and see my own true love. If your words be true ones, then that will mean the end of me. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Vous rendez hommage aujourd'hui à une philosophe qu'on aimait beaucoup au chemin de la philosophie. Oui, Jacqueline Lichtenstein, on a appris sa disparition la semaine dernière. Professeure à l'Université Paris-Nanterre, à la Sorbonne, à l'Université de Berkeley et à l'École du Louvre, directrice de la collection Essais d'art et de philosophie aux éditions Vrin, membre du conseil scientifique du musée du Louvre, elle avait fait de la peinture, du dessin et de la couleur et du faux ses objets d'étude. Les raisons de l'art, essai sur les théories de la peinture, la tâche aveugle, sur les liens entre peinture et sculpture, et la couleur éloquente qui traitait du soupçon philosophique dont était frappée la couleur, sont les titres de ses 3 principaux ouvrages. Préférant l'histoire de l'art qui s'ancre dans la matière et la pratique à l'esthétique actuelle qui s'enfonce dans les discours, critiquant allègrement Kant et sa définition du beau comme ce qui plaît universellement sans concept, elle prônait au contraire la discussion, l'interprétation et les désaccords argumentés dans l'esprit du rôle de critique, n'ayant pas plus d'attachement à Platon qui condamnait la couleur tel un charme opposé au vrai et au bien, voyant l'œil comme un organe intellectuel à part entière, Jacqueline Lichtenstein occupait une place à part dans la philosophie de l'art, passionnée, généreuse, invitée régulièrement sur France Culture et à votre micro Adèle, ce journal lui rend hommage en diffusant quelques-uns de ses passages à la radio. Valérie dit quelque part, je ne sais plus du tout, on pense comme on se cogne. C'est une phrase que j'aime beaucoup, c'est-à-dire le fait que penser, on pense là où ça résiste. Voilà, là où ça résiste, là où quelque chose comme ça résiste. Or, c'est vrai que ce qui m'a tout de suite intéressée, le mot intérêt est un peu faible dans l'art, c'est, et notamment dans la peinture, parce que ce n'est pas un art du langage, parce que c'est un art visuel, donc qui utilise un médium qui n'est pas le médium auquel moi je suis habituée, que j'ai l'habitude d'utiliser, qui est un autre médium. Ce qui m'a fascinée dans le cas de la peinture, c'est précisément le fait que ça résistait à mon discours, mes procédures d'interprétation, que je me sentais impuissante, que j'avais l'impression, très banalement, que ce que je disais ou ce que je pouvais dire, au fond, d'un tableau, je pouvais le dire de tous les tableaux. Donc, je n'arrivais pas du tout à trouver un discours adapté ou adéquat à la singularité de l'objet. Il y avait une sorte de singularité qui vraiment me mettait tout le temps en défaut. Et je trouvais ça formidable. C'est au micro d'Alain Weinstein en 2014 que Jacqueline Lichtenstein revient sur son parcours et son amour de la peinture comme objet d'étude philosophique. Refusant la distance entre l'art et la pensée, elle a tenté pour sa part de réconcilier les images et les mots, les yeux et l'intellectuel, les goûts et la connaissance. Mais elle a surtout perçu dans ce qui semblait superflu une véritable profondeur, le décor, l'ornement, la couleur et le maquillage. Le maquillage doit montrer et non pas se montrer, c'est-à-dire que le maquillage doit faire voir, c'est-à-dire qu'il doit être au service d'une autre finalité, qui est de révéler la beauté du regard, la pureté, etc. Et donc le maquillage, au fond, c'est cet art très difficile d'un phare, mais qui doit produire des effets en s'effaçant lui-même. C'est-à-dire, il ne faut pas que le moyen apparaisse comme tel. Alors, un maquillage qui se montre est toujours de l'ordre de l'excès. C'est-à-dire que là, on retrouve à nouveau une problématique comme ça très classique, c'est qu'est-ce qui distingue un bon usage d'un mauvais usage de l'ornement. Le mauvais usage de l'ornement, ce qui est toujours du côté de l'excès, c'est un ornement qui se montre comme tel, au lieu d'être au service de la vertu, de la beauté de l'âme, de la ligne du corps, etc. C'est sûrement du maquillage que l'on peut faire découler deux axes concomitants dans la pensée de Jacqueline Lichtenstein, la couleur et le faux, dont elle est venue vous parler, Adèle, dans une semaine sur l'imposture. On l'écoute. Outre le fait que je trouve que c'est un objet formidable, passionnant, drôle, en même temps, je trouve que c'est un objet, le faux, qui soulève énormément de problèmes d'ordre théorique, qui oblige à s'interroger sur ce que c'est qu'un jugement, comment on juge une œuvre d'art. Comment se fait-il qu'une œuvre qu'on croit authentique ou originale, on la trouve belle et dès qu'on sait qu'elle est fausse, le regard change. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la perception? Donc, ça oblige à s'interroger sur les critères du jugement esthétique et ça oblige aussi à s'interroger sur la définition de l'œuvre d'art. C'est-à-dire que ça soulève des questions d'ordre esthétique et des questions concernant la définition de l'art. Donc je trouve que c'est un problème tout à fait central. Quelle valeur accorder à ce que l'on voit? Comment exercer notre perception? Comment étayer nos jugements? Entre la critique des théories classiques de l'art, de Platon à l'esthétique contemporaine en passant par Kant, un ennemi plus grand qu'elle, comme elle avait l'habitude de dire, et la réhabilitation, mais toujours avec raison, des phares, du surplus, de l'éclat, Jacqueline Lichtenstein donnait à voir toutes les nuances des images plates. Et pour finir, voici le conseil qu'elle donnait à tous les auditeurs: aller au musée. On oublie aussi que le musée peut être un merveilleux lieu de promenade. On a tendance maintenant à se centrer sur le dès que le musée, il y a une exposition, on fait la queue, on va la voir, etc. Mais le musée, c'est aussi un lieu de flânerie, de promenade. On n'est pas obligé de tout regarder, on peut déambuler, on peut aussi regarder par la fenêtre, on peut regarder les gens. Et tout d'un coup, on est attrapé par un tableau. Ça peut être un lieu de drague pour les plus jeunes, enfin tout ce qu'on veut, voilà. Et on peut s'ennuyer, on peut même s'endormir 5 minutes sur un fauteuil, rêvasser, etc. Merci beaucoup Géraldine pour ce bel hommage. Et flâner au musée serait sans doute la meilleure manière de lui rendre hommage. Et d'ailleurs, S'ennuyer au musée en pensant à Jacqueline Lichtenstein. Et on peut lire aussi ses textes, Les raisons de l'art, que l'on trouve chez Gallimard, La tâche aveugle chez Gallimard aussi, puis La couleur éloquente, rhétorique et peinture à l'âge classique, c'est chez Flammarion. Merci beaucoup Géraldine, et on peut la réécouter, notamment en réécoutant votre chronique sur le site de France Culture. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'a aidé à préparer cette émission. Aujourd'hui, Colomba Grossi et Dédizis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Elsa Le Saulnier, Anaïs Isbert. Lisco mettait la réalisation aujourd'hui, Pascal Baudin à la prise de son, Thibaut de Montalembert à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur Game of Thrones en partenariat avec Philosophie Magazine. Demain, nous serons en compagnie de Sam Azulis et on essaiera de répondre à une question. C'est pas un dilemme, mais c'est une question morale aussi. La violence est-elle une vertu? Évidemment, toute la série de Game of Thrones essaie de répondre à cette question. Rendez-vous demain à 10h, donc, mais d'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram.